8.24. Observation. Question sur l'identité des choses et des personnes. Chose, c'est quoi? Personne, c'est qui? Qui c'est? Chose, qu'est-ce que c'est? Personne, qui est-ce que c'est? Chose, qu'est-ce? Personne, qui est-ce? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce? Sont des phrases interrogatives utilisées pour poser une question sur l'identité d'une chose. C'est qui? Qui c'est? Qui est-ce que c'est? Et qui est-ce? Sont des phrases interrogatives utilisées pour poser des questions sur l'identité d'une personne. Pour les esprits curieux et exigeants, ces différentes phrases ont la même valeur interrogative, mais elles correspondent à trois niveaux d'expression différents. Les phrases 1, c'est quoi, c'est qui c'est, correspondent à un niveau très familier. Les phrases 2, qu'est-ce que c'est et qui est-ce que c'est, correspondent à un niveau moyen. Les phrases 3, qu'est-ce et qui est-ce, correspondent à un niveau plus élevé. Nous avons mis qu'est-ce entre parenthèses pour indiquer que cette phrase est très peu utilisée. Elle dénote une certaine affectation.